Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce jeudi 21 mars 2019, nous sommes le troisième jeudi de ce mois de mars. Et comme chaque troisième jeudi du mois, nous retrouvons l'histoire et la mémoire ouvrière au programme, au menu. Avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, association locale, partenaire de Dio depuis de longues saisons maintenant et qui propose ce programme mensuel. Une émission un peu particulière aujourd'hui en présence de Jean-Michel Stenner qui est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Et bienvenue sur Dio pour cette émission spéciale. On a beaucoup parlé de quasi d'anniversaire en 2018-48 et des grandes grèves bien entendu de 48 qui ont aussi amené à la création finalement du GREMOS. On est presque dans un anniversaire aujourd'hui aussi finalement puisqu'on revient sur des événements intervenus en 38, la grève du 30 novembre 1938, la fin du Front populaire et la répression anti-ouvrière. C'est ça le programme de cette émission du jour avec Jean-Michel Stenner. Donc, Jean-Michel, pour commencer à ouvrir ce programme, eh bien précisément, qu'est-ce que ce 30 novembre ? Eh bien, la date du 30 novembre 1938 est peu connue. Et pourtant, il s'agit d'une grève générale qui a marqué une génération de militants et en particulier tous ceux qui sont venus au militantisme dans le contexte de l'euphorie du Front populaire, c'est-à-dire ceux qui ont entre 15 et 25 ans en 1936. Alors pourquoi je m'intéresse à ce sujet ? On va dire que 1948, c'était une grosse défaite. 1938, c'est une grosse défaite. Alors, c'est pas parce que je suis particulièrement focalisé sur les grosses défaites, mais c'est aussi parce que j'ai recueilli, quand j'ai préparé ma thèse, plusieurs témoignages de ces jeunes militants dont je parlais à l'instant. Par exemple, Joseph Sangdols, qui était mineur à Rochetamolière et dont on sait qu'il a été ensuite maire de Saint-Étienne. Par exemple, Camille Pradet, qui était tourneur dans une petite boîte mécanique de Stéphanoise. Ou Marcel Duvernois, qui était ouvrier dans une usine textile rouennaise. Vu le sujet de ma thèse, c'était tous des communistes. Et quand je leur ai demandé de retracer leur parcours, ils ont tous insisté sur l'importance qu'a représenté pour eux, pour leur conscience politique, cette journée du 30 novembre 1938. C'est un moment de tension extrême, on va essayer de le montrer, un véritable point d'arrêt dans l'histoire du Front populaire. Alors il y a deux historiens que je voudrais citer avant qu'on aille plus loin. C'est d'abord Christian Chevandier, qui est un spécialiste de l'histoire des chemins de fer et des cheminots, du syndicalisme cheminot, qui dit dans une de ses communications, « Le désarroi et l'impression d'impuissance font de cette journée une des plus sombres de l'histoire du syndicalisme français. » Et Gilles Pichavant, qui est un historien syndicaliste de l'IHS CGT de Seine-Maritime, écrit dans l'organe de cet organisme, le Fil Rouge, « Parce qu'elle fut un échec, la grève du 30 novembre 1938, comme d'autres événements sociaux analogues, a été relativement peu étudiée par le mouvement syndical. Pourtant, il s'agit d'un tournant important dans l'histoire de la CGT qui aura des conséquences considérables. » Au nom de la fédération, nous menons dans délégation, faire au patron, exposition, de toutes nos revendications. Nous n'admettons pas d'objection, nous décidons sans restriction, l'approbation, et l'adoption, de toutes nos propositions. Oui, mon, et sans retard, la journée d'une heure et quart. Discussions au minimum, sans fanfare, jour et parole. Repos le samedi, congé le lundi, et tous les après-midi. Bon, au nom de la fédération, nous venons en délégation, faire au patron, l'exposition, de toutes nos revendications. À la porte, je vous expulse, sortez ou j'appelle la police au secours. Voilà, un petit document un peu humoristique, on peut dire, pour aborder cette question qui va être pas si drôle que ça. Un document qui est tiré, une petite chanson qui est extraite du documentaire diffusé sur Arte en 2014, un documentaire d'Yves Rioux et de Philippe Pouchin sur les chanson du Front Populaire. Il y a un documentaire, enfin cette chanson, elle montre un peu, il faut la voir dans le contexte du film aussi, il faut qu'elle montre un peu le côté à la fois bon enfant et en même temps déterminé des ouvriers. Et à la fin, cette intervention du patron qui dit « j'appelle la police », qui montre bien qu'on est en train de basculer dans autre chose. Alors nous allons étudier maintenant, nous allons nous plonger dans l'atmosphère de l'époque à travers quelques lectures de documents que vont nous faire Léa Aubert et Gilles Stenner. Peinture et après de Roanne, CGT. Camarades, devant le danger que courent nos conquêtes sociales de juin 1936, devant la dictature fasciste qui menace le pays, devant les décrets-lois de misère qui s'abattent sur le peuple, les ouvriers teinturiers et apprêteurs feront la grève générale mercredi 30 novembre 1938. Ceux qui ne seraient pas disciplinés, ceux qui, en travaillant, se feraient les complices de Daladier, porteraient une lourde responsabilité. Les militants, les ouvriers, ne font pas la grève pour le plaisir de faire la grève. Ils ne s'y décident que contraints et forcés pour défendre leurs moyens d'existence, leurs libertés et les lois sociales menacées. Tous doivent prendre leur part de responsabilité dans la lutte en dernière heure. Nous apprenons que quelques camarades, adhérents au syndicat chrétien, auraient reçu de leur organisation l'ordre de travailler. Nous pensons que, conscients, ils seront à nos côtés comme en 1936. Unis, disciplinés, grève générale, le Conseil syndical. Le président de la République française, sur rapport du président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, vu les articles 1er, 2, 5, 29 et 58 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du 21 janvier 1935, vu le décret du 6 juin 1936 relatif à l'exercice du droit de réquisition, vu l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, décrète, article 1er, sont mis en état de réquisition. Premièrement, l'ensemble des agents et ouvriers des services publics de l'État, des départements et des communes. Deuxièmement, l'ensemble du personnel des services concédés de l'État, des départements et des communes. Article 2, la présente réquisition fera l'objet, suivant les circonstances, soit de notification collective par voie d'affiche, dans les conditions prévues par l'article 132 du règlement d'administration publique du 2 août 1877, modifié par le décret du 2 août 1914, soit de notification individuelle. Article 3. Le président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, est chargé de l'application du présent décret qui recevra exécution immédiate. Par le président de la République, le président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, Édouard Daladier. Fait à Paris le 28 novembre 1938. Albert Lebrun. Roanne, le 29 novembre 1938. Le commissaire spécial à Monsieur le sous-préfet à Roanne. Référence à votre lettre du 28 novembre 1938 sur les prévisions à formuler sur l'évolution de la grève générale prévue pour le 30 courant, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit. Dans la SNCF, jusqu'à ce matin, le personnel en général croyait à la possibilité d'une grève totale. Il avait été décidé en sous-main que pour éviter les conséquences d'une absence, les employés de la voie et du dépôt se rendraient à leur poste comme d'habitude, mais feraient la grève les bras croisés. À part certains militants, on peut dire qu'une grande partie du personnel est même soucieuse de cette décision de leur syndicat. Et la grève générale n'est pas envisagée par elle avec satisfaction. Les militants auraient désiré une grève partant de 0h à 24h et non de 4h à 19h. Certains s'élèvent contre M. Jouot, dont, d'après eux, l'action serait tardive. Dans l'ensemble, surtout chez les jeunes, on désire ardemment une détente et non une grève. L'équipe de nuit doit rester pour aide aux agents prenant la matinée. Les dirigeants invitent les cheminots à assister au meeting organisé à la Bourse du Travail le 1er décembre, PC. À Charlieu, d'après les renseignements recueillis, la situation semble assez embrouillée. Les dirigeants de l'union locale engagent les ouvriers à résister aux sollicitations de travail. Chez Renaud Frère, sur une centaine d'ouvriers, une quarantaine désireraient faire de leur journée, l'usine étant ouverte. Chez De Vilaine, 150 ouvriers. Vivière et compagnie, 70 ouvriers. Chassin et compagnie, 47. Bûcher-Colcombe, 70. Il en est de même. En résumé, il se peut que les ouvriers, animés d'un esprit favorable au labeur, éprouvent certaines difficultés pour rejoindre leur poste en raison de la présence de piquets de grève aux alentours des usines précitées. À bas, la grève générale communiste. Le Parti populaire français n'admet pas qu'on accable de taxes directes et indirectes les salariés, les commerçants, les classes moyennes, alors qu'on ne demande rien ou trop peu aux étrangers qui vivent sur notre sol, à ceux qui ne payent pas l'impôt du sang. Cependant, à l'inverse des démagogues marxistes et communistes, le Parti populaire français reconnaît que la France ne se tirera pas d'affaire sans que ses enfants sacrifient, chacun selon ses moyens, à la cause du salut collectif. Mais s'il veut que ces sacrifices soient justes, il veut aussi qu'ils ne soient pas inutiles. Or, ils le resteront tant que le gouvernement n'assurera pas les conditions sociales et les conditions politiques du redressement national. Les conditions sociales, ce sont les mesures qui apaiseront les haines de classe, le droit pour tous les travailleurs de voter librement et secrètement pour ou contre la grève, l'augmentation du rendement de la production et du salaire sans rien qui blesse la sensibilité ouvrière. Les conditions politiques, c'est d'abord la dénonciation par le gouvernement des responsables de l'effondrement de nos finances et de notre économie, les chefs socialistes et bolcheviques qui nous ont gouvernés pendant plus de 2 ans. C'est aussi la dissolution du Parti communiste, fauteur de guerre civile et de guerre étrangère. En ce moment, ce parti prépare la grève générale moins contre le décret de M. Paul Reynaud que contre les négociations de paix de M. Chamberlain et Halifax et le gouvernement français. Cette grève, qui serait nuisible à la défense réelle des intérêts ouvriers, perte de salaire et aggravation de la situation économique, ne peut servir que les projets de conflit européens chers à Moscou. C'est pourquoi le Parti populaire français lance à tous les Français ce double mot d'ordre. À bas la grève générale communiste, aménagement des décrets-lois. Travailleurs rouennais, poussant l'illégalité jusqu'à la provocation, le gouvernement Daladier, qui ne représente plus la France, réquisitionne les cheminots, les ouvriers de l'arsenal et tous les services publics. De nombreux patrons affichent la rupture de contrat en cas de grève demain. Non, nous ne céderons pas au chantage ni aux menaces. Dans l'ordre et le calme, la grève sera générale. Demain, 30 novembre, Bourse du Travail, 17h. Un tract émanant de M. Tixier, banquier PPF, est distribué. D'autres pourront suivre, les travailleurs sont avertis. Cet après-midi 30 novembre, la grève générale sera complète. Les grandes usines ont été désertées, les services publics, dans leur majorité, font la grève sur le tas. Camarades, qui ce matin, sous la pression patronale des policières, avaient été hésitants, rejoignez nos rangs. Les maires du canton de la Pacaudière réunis le 1er décembre 1938 à la mairie de la Pacaudière. Considérant qu'il est de la plus haute importance pour l'avenir du pays et de la République que le gouvernement puisse à chaque moment manifester l'autorité nécessaire pour assurer la bonne marche des affaires publiques, que lors des derniers événements des agents de l'État ont cru devoir passer outre aux ordres qui leur étaient donnés et cesser le service pour lequel le pays les rétribue, demandent à ce que les sanctions prévues soient appliquées rigoureusement à tous les défaillants. Estime que ces sanctions s'imposent si on veut assurer la pérennité du régime démocratique en France et sauvegarder ce qui reste de chances de sauvegarder la paix. Bourse du travail des syndicats confédérés, CGT. Contre les décrets-lois de Daladier rompant nos conventions collectives, pour le maintien des lois sociales, les travailleurs, dans le calme et l'ordre, ont manifesté. En réponse à leurs protestations, aujourd'hui, le grand patronat qui est soutenu par un gouvernement qui n'est plus celui du peuple ferme les usines, créant dans le pays un mouvement de légitime révolte. À cette volonté manifeste de créer des incidents, nous répondons « La France au travail, dans le respect des conventions, des lois sociales et des libertés. » Devant ce lock-out organisé, travailleurs de toutes industries, fonctionnaires, commerçants, assistez au grand meeting de protestation qui aura lieu samedi 3 décembre 1938 à 15h à la Bourse du Travail. Contre les sanctions, tous unis. Voilà pour quelques extraits, quelques lectures, parler à Gilles autour de ce 30 novembre, ambiance tendue en effet, illustration à l'instant. Alors une date importante, comme le disait Jean-Michel Stenner, historien, membre actif du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette grève du 30 novembre 1938, la fin du Front Populaire et la répression anti-ouvrière. Une date importante qui, Jean-Michel le disait, aura des conséquences considérables, mais précisément, comment en est-on arrivé, Jean-Michel Stenner, à cette grève ? Alors, comme tu l'as dit, Lionel, la lecture de ces documents montre qu'il y a une tension qui monte depuis, grosso modo, le 26 novembre 1938 jusqu'au lendemain de la grève, 2-3 décembre, sur lequel je reviendrai dans un moment. Alors, la cause directe de la grève, c'est une série de décrets-lois donc pris par le gouvernement Daladier et son ministre des Finances, Paul Reynaud, le 12 novembre 1938, pour, je cite, « assouplir la loi instituant la semaine de 40 heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée de travail dans les mines souterraines ». On a en fait deux éléments qui vont cristalliser l'opposition et la contestation contre ces décisions. D'abord, l'élément de fond, je reviens tout de suite, c'est l'atteinte à cette conquête majeure du Front populaire qui a été la semaine de 40 heures. Et puis il y a l'élément un peu formel, mais qui a une certaine importance aussi, parce que ça touche au fonctionnement de la démocratie, c'est cette question des décrets-lois qui sont dénoncés comme une atteinte à la démocratie. Alors, je reviens d'abord sur la fameuse loi des 40 heures. C'est une loi qui a été votée pratiquement dans les jours qui ont suivi l'accession au pouvoir de Léon Blum. Donc, est-ce qu'elle est votée le 21 juin 1936 ? Et c'est une loi qu'attendaient depuis des décennies, je crois, les ouvriers. C'est une mesure emblématique du Front populaire et il faut absolument retenir cette dimension. Alors il faut rappeler que la question du temps de travail est sans doute constitutive du mouvement ouvrier. C'est un axe de lutte qui est lié à la naissance de ce mouvement ouvrier. Le combat du mouvement ouvrier sur la réduction du temps de travail a d'abord porté sur la durée quotidienne. C'est la fameuse revendication de la journée de 8 heures qui se cristallise par exemple avec les manifestations du 1er mai à la fin du siècle, du 19e siècle, et qui est accordée officiellement en France à la fin de la Première Guerre mondiale, mais qui dans les faits est peu respectée. Ensuite, le combat a été porté sur la durée hebdomadaire, qui est la revendication centrale du Front populaire, c'est les 40 heures, avec une semaine de 5 jours, c'est ce qu'on appelle la semaine anglaise. Et c'est ce qu'on appelle aussi, on voit ça sur les tracts et dans les affiches de 1938, les 5-8, c'est-à-dire les 5 jours de 8 heures. L'ampleur du mouvement de 1936 a permis l'élargissement non prévu à l'origine à la durée annuelle de la durée du travail avec l'attribution des fameux congés payés, les 2 semaines de congés payés. Et c'est cette mesure-là qui est restée dans la mémoire collective. Mais pour les salariés de 1936, l'acquis fondamental, c'était bien les 40 heures. La grève du 30 novembre 1938, la fin du Front populaire et la répression anti-ouvrière, avec Jean-Michel Stenner toujours et l'émission mensuelle du Grémos. Alors, en effet, ces éléments déclencheurs, cette loi votée en juin 1936, était évoqué le gouvernement Daladier et ses ministres. Jean-Michel, qui est précisément Édouard Daladier? Et finalement, quelle politique et pourquoi adopte-t-il même une telle politique en 1938? Oui, alors là, on entre dans la dimension politique de la grève de 38 et qui a effectivement des fondements qui vont se retrouver dans l'origine même du Front populaire. Il faut rappeler qu'Édouard Daladier est le chef du Parti radical. Il a, à l'intérieur de ce parti d'ailleurs, il s'est opposé régulièrement avec l'autre Édouard Herriot, et il s'est opposé à lui notamment sur la question de l'alliance du Front populaire en 1934-1935. Édouard Daladier, en quelque sorte, c'est la gauche du Parti radical et Édouard Herriot, c'est la droite du Parti radical. Et alors, Édouard Daladier a participé au rassemblement de la gauche, donc en 1934-1935, qui va donner ce qu'on appelle le Rassemblement populaire, alliance du Parti communiste, de la SFIO et des radicaux, pour les élections de juin 1936. Or, la victoire de juin 1936 fait de lui un des personnages importants de l'Alliance, puisqu'il devient ministre de la Défense nationale en 1936 et 1937. Et là, il va s'y distinguer d'abord comme un adepte convaincu de la non-intervention en Espagne. Je rappelle que le Front populaire, qui arrive au pouvoir en juin 1936, se trouve très rapidement confronté à cette question espagnole, puisque le coup d'État des militaires qui essayent de renverser le régime cousin en Espagne, le Frente Popular, il date du 18 juillet 1936, et que la grande question qui se pose pour l'alliance française, l'alliance du Front populaire français, c'est faut-il ou non, peut-on ou non aider le Front populaire espagnol dans ce qui va devenir la guerre civile. Édouard Daladier est de ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas intervenir et il va de ce fait pousser en quelque sorte un coin entre lui et le reste de la coalition. Cette coalition, elle va se désagréger peu à peu parce que, disons que l'effet sidératif qu'a été la victoire du Front populaire va jouer en gros jusqu'à la fin de l'année 38, puis petit à petit, les oppositions vont commencer à se remobiliser. En 1938, donc, une partie de l'opinion publique a visiblement basculé, glissé vers la droite, et comme le parti radical est un parti central, eh bien, il recense ce glissement et c'est pour cette raison pour laquelle le 10 avril 1938, Daladier est devenu le nouveau président du Conseil. Il faut signaler qu'il est président du Conseil avec la même majorité, et qu'il est même élu à une écrasante majorité, puisque je crois qu'il y a à peine une dizaine de députés qui votent contre lui. Alors, pourquoi cette unanimité, cette quasi-unanimité? C'est en effet la question du climat international qui pèse à ce moment-là, puisque lorsque Daladier devient président du Conseil, eh bien, l'Allemagne vient de réaliser ce qu'on appelle l'Anschluss de l'Autriche, c'est-à-dire que le 12 mars 1938, l'Allemagne nazie, l'Allemagne hitlérienne, a annexé de force l'Autriche au Reich. Lorsqu'il prend ses fonctions, donc Daladier est confronté à ce nouveau climat et il veut préparer la France au pire en déclarant dans son discours d'investiture « Il faut accroître le revenu national, il faut remettre la France au travail. Tant que la situation internationale demeurera aussi délicate, il faut qu'on puisse travailler plus de 40 heures et jusqu'à 48 heures dans les entreprises qui intéressent la défense nationale. » On voit que le premier coin qui va être enfoncé dans cette loi si précieuse pour les ouvriers, c'est dans le domaine de l'armement, dans le domaine des entreprises qui travaillent pour la défense nationale. Cependant, la limitation de la semaine de travail à 40 heures demeure. Et c'est pour la droite l'obstacle principal à la relance de la production. Les radicaux hésitent pendant un certain temps et c'est finalement dans un discours du 23 août 1938 que Daladier va prononcer pour la première fois l'idée qu'il faut remettre la question des 40 heures en cause de façon plus globale. C'est d'ailleurs un discours qui suscite une première mobilisation des syndicats. Alors au début de septembre 1938, on a une série de mouvements, de grèves, une série de manifestations qui ont lieu dans la Loire. Par exemple, le 3 septembre, on a des meetings à Rive-de-Gier, à Roanne, à Saint-Chamond, à Saint-Étienne, bien sûr, à Firmini, au Chambon-Fugerolles. Des meetings qui sont massivement suivis. Le commissaire de police de Saint-Étienne indique que plus de 3000 ouvriers sont à l'intérieur de la bourse le 3 septembre. Et tous les manifestants s'élèvent, tous les orateurs s'élèvent contre ces ambitions qu'aurait Daladier de remettre en cause ces 40 heures. Par exemple, à Firmini, c'est un petit peu plus tard, c'est le 11 septembre, 1200 ouvriers assistent à une réunion et le secrétaire général proteste contre le discours de Daladier, s'élève avec violence contre cette attaque des lois sociales, contre le gouvernement et termine son discours en disant « Nous ne marcherons pas ». 3000 ouvriers à Saint-Étienne, je l'ai dit, le 3 septembre. 3000 ouvriers qui vont défiler dans la rue. C'est beaucoup, si l'on en croit la presse récente, puisque pour une manifestation des Gilets jaunes au mois de novembre, où il y avait, selon la presse, 500 manifestants à Saint-Étienne, une du Progrès disait qu'il y avait une marée humaine dans la ville de Saint-Étienne. Donc c'est plus qu'une marée humaine. Alors, ce qui va accélérer les choses, c'est encore une fois la situation internationale et le fait qu'à partir du mois d'août, les revendications d'Hitler vont se porter sur la Tchécoslovaquie et va éclater donc ce qu'on appelle la crise des Sudètes. La crise des Sudètes qui prend un peu de court le gouvernement, et Daladier est obligé, parce que les Anglais jouent un jeu un peu trouble, de signer les accords à Munich le 28 septembre 1938. Mais il est bien conscient que là, le risque de guerre devient extrêmement prégnant. Du coup, il obtient le 4 octobre du Parlement les pleins pouvoirs jusqu'au 15 novembre pour redresser la situation économique. Et manifestation du glissement à droite du Parlement, le 1er novembre, Daladier appelle au ministère des Finances un adversaire convaincu du Front populaire, un libéral, Paul Reynaud, qui est l'homme qui va mettre en scène ces fameux décrets-lois en mettant en œuvre aussi une stratégie libérale de relance économique. Ce sont donc les fameux trois décrets-lois pris le 12 novembre 1938 qui vont faire éclater la crise. L'émission Grémos sur le 895 de Dio en ce jeudi 21 mars 2019, la fin du Front populaire et la répression anti-ouvrière. Et avant d'évoquer précisément la grève du 30 novembre 1938 avec Jean-Michel Stenner, on vient de recamper le décor, comme l'on dit, recontextualiser, à la fois de façon internationale, à la fois de façon nationale et locale. Alors, des manifestations dès septembre 1938, il faut remettre la France au travail, nous disait Jean-Michel Stenner. Et puis, dès le 1er novembre, Daladier qui donc appelle ce ministre en tout cas des Finances, Paul Reynaud, qui va tout déclencher finalement avec cette série de décrets-lois pour assouplir la loi, vous le disiez tout à l'heure, je cite, instituant la semaine de 40 heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée de travail dans les mines souterraines. Alors, on parle de ces fameux décrets-lois, Jean-Michel Stenner ? Oui, il faut effectivement revenir quand même sur l'aspect formel, je l'avais dit tout à l'heure, parce que ça fait partie, c'est une pièce constitutive de la dégradation du climat. Il faut savoir quand même que les syndicalistes sont aussi avertis que le gouvernement de la situation internationale et qu'ils sont bien conscients que les problèmes internationaux ont changé la donne sociale. Et ils ne sont pas nécessairement hostiles à l'aménagement de la loi. Je dirais même que les communistes ont commencé à négocier avec Daladier sur cette question. Les communistes, les syndicalistes du syndicat des métaux, qui est contrôlé par le Parti communiste, sont tout à fait d'accord avec un certain aménagement de la loi. Et des négociations ont donc eu lieu depuis l'investiture d'Édouard Daladier, qui a abouti à un certain nombre d'exceptions, notamment dans le secteur de l'armement. Mais c'est la politique de Paul Reynaud qui va déclencher levée de bouclier et surtout qui va provoquer la rupture. Alors il y a trois décrets-lois qui sont donc adoptés par le gouvernement le 12 novembre 1938. Alors je voudrais d'abord dire que le premier est un peu global, il concerne simplement les infractions à la réglementation sur la durée du travail. Ça pourrait signifier pour les gens qui dépassent longueur légale de la durée du travail, mais c'est plus subtil que ça. Le deuxième définit des sanctions pour refus d'exécuter des heures supplémentaires autorisées dans l'intérêt de la défense nationale. Et le troisième décret autorise tout employeur à porter la durée hebdomadaire du travail jusqu'à 50 heures sans avoir à se justifier auprès d'un inspecteur du travail. Donc c'est une augmentation de 25% d'un coup. Et il fixe la semaine de travail à 5 jours et demi. Et c'est peut-être ce point-là qui va le plus agacer les ouvriers, parce que 5 jours et demi, ça veut dire qu'il faut revenir travailler le samedi matin. Et ça, ça va contribuer à la cristallisation. C'est donc un vrai chiffon rouge qui est affiché, qui est agité devant les ouvriers et les syndicats, et la forme réglementaire choisie par le gouvernement qui va susciter aussi cette hostilité. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un décret-loi ? Il faut le dire rapidement ici. Hein. Le décret-loi, c'est en fait une façon de donner au gouvernement le pouvoir législatif. C'est une déviation, en quelque sorte, des règles constitutionnelles. Alors c'est une pratique qui, en fait, a été inaugurée pendant la Première Guerre mondiale, qui a été reprise après la guerre par le président Poincaré, mais qui est de plus en plus utilisé dans les années 1930 parce qu'elle elle traduit l'instabilité gouvernementale. C'est une façon pour les gouvernements de se passer du vote parlementaire qui risque d'aboutir à une chute du gouvernement. Alors il y a eu par exemple en 1935 les décrets-lois adoptés par le gouvernement Laval. Et ces décrets-lois, justement, ont été un des critères de revendication pendant la campagne du Front populaire. Alors, voir Daladier élu par l'Assemblée qui était du Front populaire, ayant été lui-même membre du Front populaire, recourir aux décrets-lois, c'est quelque chose qui est tout à fait insupportable pour un certain nombre de militants, je dirais, de gauche. Alors, pour dire en quelque sorte, pour aider un petit peu les auditeurs à comprendre, les décrets-lois, c'est la forme qui existe sous la Troisième République de ce qui va devenir sous la Cinquième, les ordonnances. Ça nous rappelle donc quelque chose. Alors, après avoir présenté ces fameux décrets-lois, eh bien, on en arrive à cette fameuse grève du 30 novembre 1938. Comment se déroule cette grève, Jean-Michel ? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se déroule dans une certaine confusion et que les ouvriers sont plutôt désorientés quand on lit les documents comme ceux que Léa et Gilles ont lus au début de l'émission. On sent cette espèce de désarroi qui règne dans le monde ouvrier. Alors pourquoi ce désarroi ? Pourquoi cette confusion ? Eh bien, il y a deux choses qui vont contribuer. Il y a d'abord la fermeté du gouvernement. C'est un gouvernement, encore une fois, issu du Front populaire. Et depuis 1936, les ouvriers avaient plutôt l'habitude de voir le gouvernement de leur côté. Or, tout d'un coup, le gouvernement annonce des mesures de police, il annonce même la réquisition des fonctionnaires. On a vu le décret de réquisition signé le 28 novembre. Et à cette fermeté du gouvernement s'ajoute la fermeté du patronat qui annonce que s'il y a grève, il lockoutera, c'est un terme anglais, mais qu'on emploie couramment chez les ouvriers depuis déjà un certain nombre de décennies. c'est-à-dire qu'il fermera les entreprises et qu'il réembauchera les ouvriers un par un, en tenant compte évidemment de leur attitude pendant la grève. Les ouvriers sont donc avertis qu'il y a des risques à faire grève et ils s'interrogent. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que les syndicats aggravent aussi la confusion parce qu'ils ils hésitent, ils tergiversent. Pendant deux semaines, les décrets-lois ont été pris le 12 novembre et la grève est annoncée pour le 30 novembre, c'est-à-dire qu'il y a même plus de deux semaines, presque trois semaines, 18 jours. Entre-temps, il y a eu le congrès de la CGT qui s'est tenu à Nantes et il y a une certaine division entre les dirigeants. Et cette lenteur, eh bien évidemment, les militants la sentent. Et il y a donc une hésitation, des tergiversations, comme je disais tout à l'heure, que l'on peut lire, que l'on peut retrouver dans les rapports des commissaires. Par exemple, je vais lire ici un complément de ce qu'a lu Léa tout à l'heure, un rapport du commissaire central de Roanne au sous-préfet de la ville. En principe, le mot d'ordre de grève générale doit être suivi largement. Pour les travailleurs, en effet, on a assimilé cette journée à celle de grève générale du 12 février 1936, contre laquelle les pouvoirs publics n'avaient fait aucune opposition. Je trouve cette remarque intéressante parce qu'elle montre que les ouvriers sont encore dans le climat de, je dirais pas de l'euphorie, mais en tout cas de l'ambiance favorable aux ouvriers qui était celle de 1935-1936. C'est ainsi que dans les services municipaux, je poursuis, et au gaz, la grève est prévue, mais sans trouble de l'ordre et en assurant une permanence. Les tramways et autobus municipaux ont décidé de chômer. Les services électriques de Loire et Centre, la grève est envisagée avec permanence également, mais ce n'est que ce soir que la décision serait prise. Et donc on est toujours dans une sorte d'expectative. Une note avertissant le personnel qu'il s'expose à la révocation peut avoir un effet sur la décision. Au PTT, il n'y aura pas de grève, sauf peut-être chez les ouvriers des lignes. Aux papeteries, il pourrait y avoir une grève partielle. Dans les autres corporations, textiles, bâtiments, dockers, etc., la grève est prévue. Les établissements commerciaux et industriels doivent cependant rester ouverts. Des piquets de grève fonctionneront dans le voisinage des diverses usines. Encore une indication qui nous montre que les ouvriers hésitent. Normalement, les piquets de grève, c'est à la porte de l'usine. Là, c'est au voisinage. La réquisition des personnels des établissements publics et des services concédés peut avoir pour effet de réduire ou de supprimer les chômeurs dans certains services. Pour assurer le maintien de l'ordre, tout le personnel de police sera de service. Et c'est encore un élément qu'il faut prendre en compte. En effet, il y a la mise en place d'un dispositif policier imposant dont le but essentiel est d'empêcher toute occupation d'usine, tout piquet devant les usines et même au début, à l'entrée des rues qui mènent aux usines, notamment dans les bâtiments, dans les établissements les plus stratégiques, comme l'arsenal de Roanne ou la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Le dispositif gouvernemental de surveillance est renforcé par le contrôle exercé sur les fonctionnaires. En effet, les préfets ont reçu l'ordre de demander à chaque maire un rapport sur les mouvements de grève qui auraient été éventuellement suivis dans leur commune. Et on trouve dans les archives départementales de la Loire les comptes rendus envoyés par les maires de l'arrondissement. Et en fait, il y a peu de grévistes. On a entendu tout à l'heure un texte lu par Gilles qui montre que les maires se sont réunis au niveau du canton et que même ils dénoncent les employés qui auraient fait grève. Alors parmi les grévistes fonctionnaires, ce sont surtout des instituteurs qu'on va relever. Et je tiens à souligner que pour eux, la sanction est lourde, parce qu'un jour de grève, ça fait 8 jours de traitement supprimé. Jean-Michel, peut-être juste pour compléter, du coup, qu'est-ce que cela a donné véritablement localement? Tu parles en effet d'usines stratégiques, par exemple, comme Roanne, l'arsenal, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, puis cette fermeté annoncée du patronat qui se préparait à lockouter, comme tu dis, donc fermer les entreprises en cas de grève. Oui. Mais qu'est-ce qu'il en est effectivement, entre à la fois cette fermeté patronale et puis associer cette répression policière, surveillance intense engagée. Alors le texte qu'a lu Léa tout à l'heure montre que les ouvriers vont manifester pour certains, mais ils ne sont pas tous, il faut le dire, ils sont pas tous d'accord avec la grève, parce qu'ils sentent que bon, le climat ne s'y prête pas, parce que pour les raisons de tensions internationales, il faut peut-être mettre un petit peu, entre guillemets, les revendications. Mais il y a aussi y a des gens qui veulent faire la grève, mais qui vont hésiter. On le voit aux cheminots de Roanne, par exemple. Ils viennent, ils repartent, ils reviennent. Ou bien il y a un deuxième tract qui est diffusé dans l'après-midi, le deuxième tract de la CGT qu'a lu Léa tout à l'heure aussi, qui montre que la mobilisation n'est pas aussi forte que la CGT aurait pu l'attendre. Je rappelle que la CGT de l'époque, c'est plus de 3 millions de syndiqués, 10 fois plus qu'aujourd'hui. Mais qui n'était pas forcément aussi hostile finalement à cet aménagement de loi. Eh bien non, je l'ai dit tout à l'heure, les dirigeants communistes avaient commencé à traiter un petit peu avec le gouvernement. Simplement, c'est le toucher au samedi, par exemple, et puis remettre en cause, utiliser les décrets-lois, les deux éléments qui vont peser beaucoup dans la balance. Est-ce que les mobilisations, manifestations de septembre, du coup, auraient été plus importantes que la grève du 30 novembre ? A priori, oui. Et entre-temps, intervient effectivement la crise des Sudètes qui montre que l'Allemagne devient un pays extrêmement dangereux et que la France a du retard au niveau armement et qu'il faut mettre les bouchées doubles. La fin du Front populaire et la répression anti-ouvrière avec le Grémos, la grève du 30 novembre 1938. Jean-Michel Stenner avec nous pour cette émission mensuelle. Alors précisément, quelles en sont les conséquences de cette grève du 30 novembre 1938? Alors globalement, la grève du 30 novembre, c'est une défaite ouvrière et c'est une défaite syndicale. On va l'entendre à travers quelques documents. Union locale CGT, syndicat CGT du canton de Saint-Chamond. Amnistie, réintégration des licenciés, ouverture des fonds de chômage communaux. Après la grève du 30 novembre dernier, les licenciements des ADN à l'homme, nous pouvons compter dans ce canton 200 ouvriers sans travail, 1000 bouches sans pain. Fidèles au mot d'ordre patronal, les usines n'embauchent pas, bien qu'elles aient du travail. Seule, jusqu'à ce jour, la classe laborieuse, par sa solidarité effective, a permis de subvenir, de secourir les licenciés. Mais les maires du canton, outre les miettes des bureaux de bienfaisance, se refusent à ouvrir les fonds de chômage. C'est pour eux une question de principe, puisque les communes ne supportent que 10% des dépenses à engager. Il y en a assez ! C'est tout le monde qui supporte l'intransigeance des patrons et des maires du canton. 1000 personnes sont sans pain. Des centaines de travailleurs réembauchés ont subi des déclassements, des suppressions de primes, des augmentations de temps de travail. Cela aussi constitue une diminution des salaires. Le commerce local est paralysé par ces différentes mesures. Peuple qui travaille, petits commerçants, conseillers municipaux, vous qui connaissez la misère des licenciés, les aggravations du travail, l'augmentation du coût de la vie après les décrets-lois, vous tous qui, à des degrés divers, subissez les effets ou les contre-coups de la présente situation, tous ensemble exigeons le respect du droit au travail, l'amnistie et la réintégration des licenciés, l'ouverture des fonds de chômage. Signons les listes de pétitions. Non, pas ça. La population stéphanoise doit savoir que pour avoir répondu à l'appel de la CGT le 30 novembre et lutté pour l'abrogation des décrets-lois de misère de Daladier-Reynaud, 244 ouvriers de la Manufacture Nationale sont déférés devant le tribunal correctionnel. La population stéphanoise doit savoir que la plupart de ces ouvriers sont des professionnels qualifiés qui totalisent 10, 20 et même 30 années de service à la Manu. Ils sont pour la plupart des anciens combattants, des mutilés de la Grande Guerre, des médaillés militaires, des titulaires de la Légion d'honneur. Tous sont des pères de famille. Ils sont tous honnêtes et considérés. Mais le patronat et le gouvernement se vengent. Ils jettent à la rue des centaines d'ouvriers métallos et ouvrières du textile. Peu leur importe la misère qui détruit la famille. Il ne leur suffit pas de faire perdre des milliers d'heures de travail, plusieurs millions de francs de salaire. Il ne leur suffit pas que les licenciés souffrent de la faim, que les petits commerçants voient leurs recettes diminuer, que les impôts et les charges augmentent pour les contribuables. Ils veulent faire condamner 244 Manuchars, cependant que factieux et cagoulards sont remis en liberté. Non, cela ne sera pas. Avec notre syndicat, l'Union départementale CGT, avec les ouvriers et ouvrières, la population de Saint-Étienne exigera l'amnistie, la justice, le droit au travail. Le syndicat de la manufacture. Le mémorial, mercredi 19 avril 1939. On aura tout vu. La mairie de Saint-Romain-le-Puy est occupée par les chômeurs. Saint-Étienne, 18 avril. On nous écrit de Saint-Romain-le-Puy, Loire. Incroyable mais vrai. La mairie de Saint-Romain a été occupée lundi soir par des ouvriers en chômage qui ont passé la nuit et ont été relevés par d'autres ce matin. Nous croyons savoir qu'à la suite des grèves du 30 novembre 1938, 57 verriers auraient été congédiés. Leur demande d'admission à une caisse de chômage refusée par la commission a été rejetée aussi par le conseil municipal au cours de sa dernière séance. Dans un but de protestation, les chômeurs ont donc occupé la mairie. Mais n'ont-ils pas dépassé les bornes de la légalité? Nous espérons que les autorités compétentes ont là un mot à dire. Un groupe d'habitants de Saint-Romain-le-Puy. Et là, la grève de 1938, du 30 novembre 1938, il faut le dire avec force, c'est une défaite ouvrière et c'est une défaite syndicale. Les suites du 30 novembre 1938, c'est la répression et la division. C'est une défaite syndicale car elle concrétise le retour de la division à l'intérieur de la CGT entre communistes et socialistes. La méfiance ne cesse de grandir et elle grandira jusqu'à la rupture, jusqu'à la signature du pacte germano-soviétique. C'est la fin du grand élan unitaire de 1934-35 qui avait conduit à la victoire de 1936. Mais 30 novembre 1938, c'est aussi et peut-être surtout une défaite ouvrière parce que les conséquences pour les grévistes, elles sont concrètes. C'est révocation, c'est le chômage, c'est la baisse du niveau de vie, c'est le déclassement. Et les effets sont durables, comme le montrent plusieurs documents du printemps 1939. Par exemple, un document des archives départementales de Roanne, le 18 avril 1939, évalue à 118 le nombre d'ouvriers qui sont encore licenciés, qui sont révoqués, qui n'ont pas retrouvé de travail. Il y a les 244 Manuchars évoqués dans l'affiche dont le texte vient d'être lu. Les divisions entre ouvriers aussi sont importantes. Et s'y ajoutent les divisions entre ouvriers français et étrangers qui sont exacerbées par une politique gouvernementale qui n'hésite pas à utiliser la xénophobie et à demander un recensement des ouvriers étrangers qui auraient pris part à la grève, manière de signifier que le mouvement tirerait ses origines de l'extérieur. C'est le fameux slogan de l'extrême droite, comme quoi il s'agissait d'une grève moscoutaire. Est-ce que peut-être on peut parler là de la fin finalement du Front populaire et pourquoi ? Oui, c'est la fin du Front populaire. Disons que c'est la concrétisation de la fin politique qui avait déjà été esquissée en avril et c'est la mise en évidence de la fin sociale du Front populaire. Le déroulement et le bilan de la grève concrétisent l'abandon par le Parti radical et par ses électeurs de l'esprit du Front populaire. Je dirais un esprit qui était favorable aux revendications ouvrières. Désormais, le Parti radical est explicitement allié avec la droite. Il entend beaucoup le son qui vient d'une partie de son électorat, c'est-à-dire les petits entrepreneurs ou les petits artisans. Cette alliance entre le Parti radical et les partis de droite qui va durer jusqu'en mai 1940, ce qui permet à certains historiens d'accréditer la thèse selon laquelle c'est la chambre du Front populaire qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain. En fait, c'est la partie droite de cette chambre qui va les voter. D'autre part, fin du Front populaire parce que c'est la fin de la trouille pour les patrons, de la frayeur en tout cas qu'ils ont ressentie en juin 1936. Et cette grève de novembre 1938, c'est l'occasion pour eux de reprendre le pouvoir dans les entreprises. c'est pas qu'ils l'avaient véritablement perdu, mais ils avaient l'impression de l'avoir perdu puisqu'ils avaient dû concéder un certain nombre de droits syndicaux. Donc c'est une véritable revanche, et là d'ailleurs, les patrons vont cibler dans les révocations en particulier les syndicalistes. Enfin, la grève du 30 novembre, c'est la véritable fin du Front populaire parce qu'elle traduit, je l'ai dit dès l'introduction et je le rappelle maintenant, l'abandon de cette mesure symbolique qui était les 40 heures. Une revendication qu'on retrouve encore au premier plan des cahiers de revendications dans les années 1968. Les ouvriers métallurgistes auront montré leur souci de défendre les intérêts et la sécurité du pays beaucoup mieux que ne l'a fait le patronat qui prétendait en être le seul défenseur. Que les défenseurs de cet intérêt, que les défenseurs de cette sécurité, ça n'est pas ceux qui soutiennent, qui protègent les cagoulards, mais c'est le véritable peuple de France, le peuple des usines, le peuple des champs. C'est les masses laborieuses, c'est le Front populaire, c'est l'union de ces masses laborieuses dans le Front populaire. Pour la lutte menée depuis 2 années contre le fascisme, pour la solidarité menée sur le plan international, aussi bien envers l'Espagne républicaine qu'envers tous les travailleurs et combattants antifascistes, pour la lutte en un mot du pain, de la paix et des libertés dans le monde. Alors voilà, un petit extrait d'un film qui a été réalisé en 1938, qui s'intitule « Les métallos », dans lequel on entend Pierre Sémard, donc, qui est un des dirigeants des syndicats de métallos, prendre la parole à l'occasion d'une grève, pas celle de novembre, mais c'est une grève, il y a eu beaucoup de mouvements métallurgistes, notamment à cause des 40 heures. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est l'argumentation de Sémard qui montre que effectivement il y a la volonté de dire que c'est les ouvriers qui ont véritablement défendu le pays et non pas le patronat. En fait, cette grève, et je m'aperçois que je viens de faire une grosse faute, c'est pas Pierre Sémard, mais c'est Jean-Pierre Timbaud qui parle dans cette manifestation. Je suis désolé pour l'erreur. Cette grève est aussi à l'origine de la controverse sur les origines et les responsabilités de la défaite française. La droite, et Pétain reprendra à l'envi dans son fameux discours après la défaite, associe le Front populaire à la dégradation de la production française et explique la défaite par la fameuse mesure des 40 heures. Pour la gauche et surtout pour les communistes, c'est la trahison des élites qui a préféré punir les ouvriers plutôt que de réaliser une union nationale véritable et de prendre en main la défense du pays. C'est ça le débat, et on va le retrouver pendant la drôle de guerre, pendant la guerre, pendant la résistance, après la guerre, et même pour certains, c'est un débat qui est toujours présent. Voilà, pour terminer cette émission, je voudrais d'abord remercier les deux jeunes qui nous ont lu les documents, Léa Aubert et Gilles Stenner. Je voudrais remercier Lionel de Radio Audio qui a assuré donc la technique. Je voudrais rappeler que beaucoup des documents qui ont été cités ici sont issus des archives départementales de la Loire et que nous avons utilisé cet extrait, donc je m'excuse encore pour l'erreur que j'ai commise, donc tirée du film Les Métallos de Jacques Lamarre. C'est un film qui est disponible sur le Cinéarchive, donc vous pouvez le trouver sur Internet. Et l'orateur, je répète, c'était Jean-Pierre Timbaud qui dirigeait le syndicat des métallos de la Seine. Le film est consultable sur Cinéarchive et voilà, je vous remercie. Donc, l'agenda, je te laisse. Petit lire. Agenda, Jean-Michel, voilà. Très vite pour terminer, renvoyer tout d'abord nos auditeurs auditrices bien sur le site du Grémousse. Ouais. www.gremos.net, gremos.lautre.net, pour avoir toutes les informations relatives à la fois aux émissions de radio, mais bien d'autres publiées, relayées sur ce site dédié en termes de bibliographie, de fonds d'archives, d'appels à communication. Hein. On peut aussi l'annoncer pour les prochaines rencontres d'histoire ouvrière que le Gremos organisera en janvier 2020, pour exemple. Quelques infos très vite, parce que nous avons réalisé au mois de janvier une émission sur les grands ensembles avec Rachid Kadour ainsi que Georges Gay, et bien tout simplement annoncer enfin la publication officielle de l'ouvrage de Rachid Kadour. C'est dans ce cadre-là aussi qu'intervenait cette émission au mois de janvier dernier. C'est le 4 avril prochain, donc d'ici quelques jours, que paraîtra officiellement cet ouvrage, Les grands ensembles patrimoine en devenir, chronique de la valorisation, dévalorisation et revalorisation d'opérations exemplaires à Saint-Étienne. Voilà un ouvrage qui prend pour objet de réflexion, et on l'a entendu ici avec donc l'intervention de Rachid Kadour, les grands exemples exemplaires, dont ceux ici même sur ces quartiers sud-est à Saint-Étienne. Donc voilà, publication et parution de cet ouvrage, donc le 4 avril prochain dans la collection Architecture des publications de l'Université de Saint-Étienne. Et puis, il y a les deux petites informations très vite pour poursuivre. C'est Jean-Michel, une conférence qui interviendra le 27 avril prochain, Résistantes et résistants de la vallée du Gier, à Rive de Gier. Ce sera le samedi 27 avril à 14h30 à la Ruche des Citoyens sur la commune ripagérienne, montée gratuite, organisée par l'Amicale des Anciens de la Résistance et Amis Secteur Gier, avec une conférence là animée par Michel Destour. Et puisque nous sommes sur cette période-là, je rappelle une conférence sous forme plutôt de rencontre-témoignage qui interviendra ce 26 mars prochain avec Evelyne Askolovitch. Je ne sais pas, Jean-Michel, si tu connais cette personne, épouse de Roger Asco, de mémoire bénie, née Sulzbach le 15 juillet 38 au sein d'une famille juive allemande, et une survivante de la Shoah qui se porte à la rencontre donc des élèves des collèges et lycéens et lycées locaux, pardon, pour témoigner de son vécu d'enfant déporté. Une rencontre qui aura lieu à 19h au centre social Beaulieu, situé 11 boulevard Karl Marx, sur ces quartiers sud-est ici même. Ce sera le mardi 26 mars prochain. Et puis, puisque nous sommes encore dans cette question, juste annoncer l'actualité aussi du mémorial de la résistance et de la déportation de la Loire, qui, comme chaque année, participe cette semaine aux semaines de l'égalité organisées par Saint-Étienne Métropole, semaine d'éducation et d'action également contre le racisme et l'antisémitisme. Et des actions ont d'ailleurs lieu aujourd'hui même, ce 21 mars, autour aussi des questions et de conflits contemporains, dont la guerre d'Algérie. Guerre d'Algérie, Seconde Guerre mondiale, comment éviter les confusions? C'est une intervention qui avait lieu ce matin avec Guy Pervillier, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Toulouse. Ou encore, comment enseigner la guerre d'Algérie en France et en Algérie? Là aussi, une vaste question à laquelle tentait de répondre Abderrahman Moumen, chargé de mission guerre d'Algérie. Et puis des ateliers qui ont encore lieu toute cet après-midi autour de différents thématiques, différents angles, des témoignages par l'association Coup de Soleil, la bande dessinée, notamment l'auteur local de Loupi qui a dessiné et écrit cette bande dessinée algérienne, toujours disponible, la littérature ou encore le cinéma avec Antoine Rava de la Cinémathèque qui sera présent pour parler aussi du fonds d'archives. Voilà pour les quelques infos que l'on pouvait donner pour clore définitivement cette émission Gremos du jour. On se termine sur ce. Jean-Michel, merci encore pour cette émission. Merci à toi. On se retrouve le mois prochain, troisième jeudi du mois, donc celui d'avril prochain, pour une nouvelle émission, nouvelle thématique. À très bientôt. Au revoir.